Chapitre 3, sous-chapitre 17 de « Histoire curieuse et pittoresque » par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les phrénologues. Le monde, après avoir vu passer comme un sable mouvant les règnes divers des apparitions, de l'astrologie, de la magie, des fantômes infernaux, des divinations, des sciences secrètes, des grimoires, des prodiges, de toutes ces croyances merveilleuses, surprenantes, mystérieuses et surnaturelles, en est aujourd'hui à se passionner pour la phrénologie ou la science des caractères. Nous devons sans doute cet engouement actuel à l'étude des sciences physiques. Nous avons aujourd'hui beaucoup de docteurs qui prétendent deviner l'avenir d'un homme à l'inspection de sa tête et de son crâne notamment. Il est incontestable que le système du docteur Gall et de ses sectateurs est des plus ingénieux. On peut même dire qu'il est le plus rationnel de tous les systèmes qui roulent sur la prédiction des événements futurs. Satisfait-il complètement la raison dans la généralité des conclusions que l'on en veut déduire? Nous n'oserions pas l'affirmer. Mais considéré comme système, il n'en est point dans l'espèce qui puisse subir un parallèle avec lui. En voici le motif. Les expériences, les études, les observations sur lesquelles se fonde le système du docteur Gall s'exercent sur tous les êtres humains, quelles que soient leurs conditions de pays, d'âge, de mœurs, de sexe, d'abrutissement sauvage ou de civilisation avancée. Tandis que tous les autres systèmes, inventé pour arriver à la connaissance du caractère des hommes, gravite dans une sphère plus ou moins exceptionnelle, si bien que l'application n'en saurait être générale, et qu'il lui faut subir des conclusions. On connaît le joli mot d'un magistrat qui disait qu'avec quelques lignes de l'écriture d'un homme, il y trouverait de quoi le faire pendre. Nous avons des gens qui prétendent qu'avec quelques lignes de l'écriture d'un homme ou d'une femme, leur caractère n'aura plus de secret pour eux. Ils vous diront s'ils sont gais ou tristes, si l'homme est honnête, si la femme est coquette. Le sens des mots ne sera rien pour eux. C'est la contexture des lettres dont ces mots sont formés qui leur dit la vérité sans les tromper en aucun cas. Supposons qu'un des habiles dans cette science adresse un jour à une belle dame la plus tendre déclaration d'amour, et que notre homme reçoive une réponse. On lui dit dans cette réponse que ses hommages ne sont pas agréés. On le lui dit d'une manière on ne saurait plus vive. Eh bien, le menaça-t-on de le faire jeter à la porte, et même d'avoir recours à l'intervention bourgeoise du manche à balai, si telle ou telle lettre sont formées de telle ou telle manière? Il s'écriera dans sa joie triomphale « Cette femme est éperdument amoureuse de moi ». Le système qui nous occupe a été l'objet des préoccupations de l'Antiquité. On conçoit en effet que le jeu si varié de la physionomie humaine ait offert un puissant attrait à l'étude des philosophes. Il n'est pas un seul de nous qui ne se livre chaque jour à la même étude, pour ainsi dire, sans s'en apercevoir. Un visage nous plaît ou nous déplaît à la première vue, sans que ce soit précisément la beauté qui nous attire ou la laideur qui nous repousse. Il arrive souvent que le même visage qui nous a plu plaise à beaucoup d'autres personnes, et qu'il en soit de même de la déplaisance de celui qui nous a déplu. On dit alors des hommes auxquels ces visages appartiennent que l'un a une physionomie heureuse et l'autre une physionomie malheureuse. Il faut féliciter le premier et plaindre le second. Mais il ne faut pas, sur un pronostic si souvent trompeur, croire aux belles qualités, à la vertu, à la probité de l'un, non plus qu'aux vices, aux défauts et à la fourberie de l'autre. Telle est cependant l'étude élémentaire que l'on fait des physionomies. Les proportions et la dimension du globe de la tête occupèrent d'abord les savants et les philosophes. Aristote compare à un hibou l'homme dont la tête est d'un volume démesuré. Le grand Albert le traite de stupide et d'insensé, et pour appuyer cette prétention sur un exemple, le médecin Porta fait observer que Vitellius avait une tête énorme. Que si, au contraire, un homme se présente avec un cerveau d'une circonférence raisonnable, mais surpassant un peu en étendue les têtes ordinaires, les mêmes auteurs saluent en lui l'homme d'intelligence supérieure, doué d'une âme élevée, d'une imagination riche et féconde. Il aura pour terme de comparaison, à l'appui de tous ses avantages, la tête de Platon, qui excédait en proportion les autres parties de son corps. Alexandre le Grand avait la tête moyenne, comparativement à sa taille, qui était fort petite. Après la forme de la tête, les anciens s'attachèrent à la chevelure, et sur la couleur et la qualité des cheveux. Ils basèrent toutes sortes de jugements. Les cheveux plats furent l'indice de la pusillanimité et de la poltronnerie. Ô contradiction du signe ! Jamais un feu ne frisa sur la tête de l'empereur Napoléon. Les cheveux crépus marquèrent la rudesse et la grossièreté. Les cheveux du meilleur augure furent ceux dont l'extrémité se termine en boucle. L'historien d'Arès rapporte qu'Achille et Ajax de Télamon avaient les cheveux frisés. Ainsi étaient les cheveux de l'Athénien Simon. Quant à l'empereur Auguste, la nature lui avait départi une chevelure si parfaitement bien frisée que tout l'art des coiffeurs de Rome n'en aurait pu reproduire l'imitation. Pour la couleur des cheveux, on reconnaissait les châtains et les blonds foncés pour les meilleurs. Suivant que l'on était plus ou moins pourvu de l'une ou de l'autre de ces deux couleurs de cheveux, on était intelligent, industrieux, tempérant, pacifique, enclin aux douces passions. Castor et Pollux étaient châtains, aussi bien que Ménélas. Les cheveux noirs occupent peu les anciens, mais les cheveux roux attirent toute leur animadversion. Bien des siècles, avant qu'il fût question de Judas, des cheveux roux avaient couvert la tête des réprouvés. Le tyran Typhon, qui arracha à son frère le sceptre d'Égypte, était roux. Après sa métamorphose, le roi Nabuchodonosor devint horriblement roux en châtiment de ses abominations. Enfin, il n'est pas jusqu'aux ânes dont la réputation n'ait été compromise par la couleur rousse de leurs poils. De tout temps, on a dit « méchant comme un âne rouge ». Les coftes même ont tellement en horreur les ânes de cette couleur que s'il faut s'en rapporter au récit de quelques pèlerins, chaque année ils en précipitent un du haut d'une muraille. Aux cheveux touchent les oreilles. Aussi l'examen des oreilles venait-il immédiatement après l'examen des cheveux, et le cartilage placé à nos temporaux fournissait grandement son contingent de révélations selon sa forme et son ampleur. Les grandes oreilles, selon Aristote, et après lui le grand Albert, dénotent la sottise et la fatuité. Les petites, bordées et tendues, tiennent un peu à la folie. Les plates appartiennent à l'homme rustre et grossier. Les bonnes, les meilleures oreilles du commun, sont fermes et d'un diamètre médiocre. Mais honneur soit rendu avant tout aux oreilles carrées. Ceux qui en possèdent de cette dimension joignent la grandeur d'âme à la pureté des mœurs. Telles furent au rapport de Suétone les oreilles de l'empereur Auguste. Passons maintenant à l'examen du teint et de sa couleur, et nous saurons que le plus mauvais est le teint jaune, blafard, livide et plombé, comme était le teint de Caligula, d'Attila et de la plupart des tyrans un peu présentables. Quant aux yeux, il faut qu'il ne soit ni trop grand ni trop petit. Trop grand, il désigne la paresse et donne une fâcheuse ressemblance avec le bœuf. Ce défaut était celui de Domitien le plus vain, le plus lâche et le plus paresseux des hommes. Sur ce diagnostic, Aristote est intraitable et ne craint point de se mettre en contradiction avec Homère, qui faisait si grand cas des gros yeux que pour vanter la beauté de ceux de Junon, il appelle boupis, ou œil de bœuf. D'ailleurs, si les grands yeux ne donnent pas d'esprit, les petits yeux n'en donnent pas davantage, pourvu qu'il n'y ait exagération, ni en plus, ni en moins, et que l'on ne soit pas atteint de strabisme. On aura des yeux fort convenables, mais dont la proportion ne sera pas plus un indice de telle ou telle dose d'intelligence que les grands et les petits yeux. Chez nous, les plus grands yeux passent pour les plus beaux, pourvu qu'on ne les ait pas sortants ou à fleur de tête. Une femme laide rachète ses traits mal assortis par de grands et beaux yeux, tandis qu'une femme jolie ne plaît pas à cause de ses petits yeux. Pour nous, ce n'est que le regard même qui nous attache. Qu'importe de grands ou petits yeux, s'ils sont froids, sans vie, comme s'ils étaient fermés par le sommeil, s'ils marquent la stupidité. La couleur des yeux est une chose dont la sagesse ne permet de discuter, non plus que des goûts. Chacun peut avoir ses préférences, malgré ce qu'on en dise. Avez-vous des yeux bleus et bien fendus? Aristote vous gratifie d'intelligence et de franchise. Les avez-vous bruns? Vous êtes spirituel et bon. Sont-ils verts? Vous êtes courageux et entreprenant. S'ils sont noirs, au contraire, Aristote vous pronostique la timidité et la pusillanimité. Les yeux rouges dénotent l'emportement et la colère. Voici d'un autre côté la théorie des bonnes femmes sur les yeux. Elle est formulée en rimes qui sont réprouvées par la prosodie. C'est égal. Les yeux bleus vont dans les cieux. Les yeux verts en enfer. Les yeux gris en paradis. Les yeux noirs en purgatoire. Des sourcils épais, longs et en désordre, annoncent un être brutal, obstiné, impie. Des sourcils longs, un arrogant, un effronté. Les sourcils clairs, un efféminé, un poltron. Mais s'ils étaient épais sans être hérissés, si les filets chevelus qui le composent sont couchés parallèlement, on est sûr alors d'un jugement droit, d'une grande sagesse et d'un sens profond et étendu. Tels étaient les sourcils de Jupiter. Maintenant parlons du nez, qui occupe une place si honorable dans la physionomie de l'homme. Le nez Camus porte au plaisir et à la luxure. Le nez pointu à la colère et à la légèreté. Un nez incliné vers son extrémité annonce une disposition à la raillerie et à la malignité. Un petit nez rend celui qui en est porteur fin, côteleux et dissimulé. Un gros, impudent, discourtois, incivil. De tous les peuples de l'Europe, le peuple italien est celui qui possède les plus beaux nez. Les plus vilains appartiennent aux Hollandais. Les Anglais ont le nez épais et cartilagineux. Les Juifs, un peu crochus. En France, presque tous les hommes de génie ont eu de beaux nez. Des physionomistes ne souffrent ni les nez droits, ni les nez ronds, ni les larges narines, ni les voûtes écrasées, ni les profils amincis. Socrate avait un nez horriblement écrasé. Boire aussi. Ainsi que le marquis de Chauvron, qu'on surnomma néanmoins, excuse du calembour. La bouche n'a pas moins inspiré d'observation que le nez. Une bouche moyenne était pour les anciens le signe visible du courage et de l'esprit, d'un cœur noble et généreux. Ce signe était infaillible pour ceux qui joignaient à une bouche moyenne des lèvres minces et bien proportionnées. Un menton carré, garni d'une barbe touffue, un front étendu, dégagé et serein. Enfin, des joues élevées, fermes et vermeilles. Les Grecs ne bornaient pas au visage et à la tête de l'homme la recherche d'indices extérieurs, d'où l'on pouvait déduire quelles étaient ses facultés morales et intellectuelles. Ils s'en prenaient à toutes les parties dont se compose le corps humain. Mais comme nous allons plus vêtus que les Grecs, nous ne les suivrons pas dans leurs recherches. On a cherché des pronostics jusque dans les cils, les ongles, les taches de la peau les dents. Si l'art du physionomiste était infaillible, quoi de plus agréable que de pouvoir connaître les bonnes et les mauvaises qualités d'un homme ou d'une femme à la simple inspection de son visage? C'est dommage, vraiment, que la rencontre des signes de caractère n'a guère lieu dans la même personne, et que les combinaisons si variées de formes individuelles soulèvent un conflit devant le juge physionomiste. Toutefois, nous devons rendre pleine et entière justice à la prodigieuse sagacité de Lavater, à ce que son système a d'ingénieux et de séduisant, à la consciencieuse conviction de son fanatisme pour un art dont il a réuni tous les éléments épars, en l'enrichissant de ses observations immensément nombreuses, et qu'il a érigé encore de doctrine. Nous louons d'autant plus Lavater que l'on ne peut s'empêcher de reconnaître en lui de l'inspiration, de la bonne foi, de la conviction, de la passion pour son art, et qu'on ne trouve pas dans son système, comme dans les autres, de ces traces de charlatanisme et de calcul qui déshonorent leur auteur. Absorbé dans l'étude des caractères, concentrant toutes ses idées dans une idée dominante, poète de cette idée et doué d'une imagination exaltée jusqu'à l'illuminisme et extrêmement impressionnable, Lavater s'était souvent senti ému à la vue de certaines personnes, et leurs traits étaient profondément gravés dans sa mémoire. Sans intention préméditée, il lui arrivait quelquefois de porter des jugements sur certaines physionomies, et de rencontrer si juste qu'on l'engagea à fortifier ses dispositions par des études suivies. Bref, Lavater est un des plus grands physionomistes connus. Sa doctrine a infiniment de sectateurs. Vous n'allez pas dans le monde que vous ne rencontriez un physionomiste qui vous toise du pied à la tête pour vous deviner. Il vous sonde par le front, les sourcils, le regard, le nez, les oreilles, la bouche, le maintien, la parole, pour se dire après « Cet homme est un fourbe ou un brave, un honnête homme ou un industriel, un voleur, un tartuffe. » Mais on se trompe dans les appréciations, parce que pour juger toujours d'après la physionomie, il faudrait que l'âme suivît tous les mouvements de la nature. Or, tel individu n'est vicieux, comme Socrate ne peut être considéré comme pervers sur l'inspection de ses traits, parce que la volonté de l'homme a pu défricher du cœur les germes du mal, les racines de la perversité, de la corruption, enfin, corriger une nature vicieuse, des inclinations désordonnées. Il faudrait brûler un livre qui enseignerait à dire « Un tel est voleur, menteur, parce que ses traits portent à le croire vicieux. » Professer la phrénologie exclusive, c'est professer la fatalité. C'est décourager la raison dans sa lutte contre de mauvais penchants, et excuser ces mêmes penchants en les présentant comme vainqueurs quand même, et jamais comme vaincus. Ne désiritez pas l'homme de son plus beau et de son plus rare triomphe, celui de pouvoir dire à une passion qui l'excite « Tu ne me domineras pas ». La physionomie est un miroir certain, dites-vous, mais voyez donc cet esprit fin, léger, délicat dans une grossière enveloppe, tandis que de cette beauté, de ce beau lion, il ne sort que la sottise. Ce sont des fleurs sans odeur. Ésope était difforme de corps et superbe d'esprit. La fontaine, idiot en apparence, était l'esprit le plus profond de son siècle. Qui aurait deviné une lave brûlante sous l'air hébété de Jean-Jacques Rousseau? Le grand Fénelon portait une tête dénuée d'expression. N'avons-nous pas vu tous des physionomies très heureuses sur le banc de l'infamie, tandis que d'autres figures affreuses recélaient des trésors de vertu? Ne jugez pas surtout, d'après sa physionomie, l'homme des siècles de civilisation, dont les positions changent avec son caractère et son caractère avec sa position. Cet homme est forcé de sortir de son caractère, de le fausser, s'il veut vivre parmi ses semblables et n'en pas être dupe. Ainsi, prenez comme charlatans tous les phrénologistes qui disent « Celui-ci a la bosse de l'esprit, celui-là du vice. Un tel est débauché de par une bosse, un autre se contient de par tel autre. Il est facile avec cette science de calomnier à son aise. » Fin du chapitre 3, sous-chapitre 17. Enregistré par Margot.